travaille la nuit comme la journée. C'est pour ma bande tout sans des besoins. Tout c'est où ma remède. C'est où m'en laisser, où m'en remède. Mais où c'est dit, c'est moi vous parler. C'est fou, si moi continue, ouais. Mais qui ça oulé, qui m'en y a oulé, moi faire, oh. Croiser Porto Rico, Porto